Voilà, Epectase, pour que. Bah non, en fait, j'allais dire pour clôturer, mais en fait, pour clôturer rien du tout. C'est le morceau de Epectase qu'on a coupé un petit peu, puisqu'après, on a un espèce de long souffle pendant presque 30 secondes. Après cette petite double balade contemplative, on va up tempo un petit coup avec Wardom Rife, formation norvégienne de Black. Winds of Wrath, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Un superbe artwork, extrêmement riche et un beau gribouillage, ma foi. Et enchaîné à Wardom Rife, Lock Up, la formation All-Star Band du Grindcore, avec pour rappel des membres de At the Gates, Brutal Truth. P-Destroyer, enfin voilà, gros line-up, grosse violence dans vos gueules. The Dregs of LS, signé Lock Up, donc oui, maintenant ils évoluent à deux chanteurs. Winds of Wrath, le titre de Wardom Rife, donc de l'album. Sinful Life of Power, le titre extrait de The Dregs of LS, signé Lock Up. We'll be right back. La suite, doublette suivante, Memory Garden, tout d'abord, formation qui nous vient de Suède. On est sur du Heavy Mellow Doom, le groupe sort son nouvel Alphor 1349. Voilà, ça laisse forcément deviner le thème abordé tout au long de cet album des Suédois. Il est déjà disponible et on s'écoutera en doublette avec Memory Garden au Suer, le forcément très bon groupe de black venu du Québec. Ils sortent là leur nouvel EP Triumvirat. Le black québécois, non, je ne vais pas donner le micro à Thibaut sinon on en a pour une demi-heure. Et sachez juste que c'est ultra quali. Shallow Waters, le titre de Memory Garden, La Sainte Purge, tiens, signé Ossuaire, c'est parti. Fading, instead of the water, she came. On va pré-clôturer l'émission d'aujourd'hui avec la dernière doublette, et puis on va se quitter avec un dernier titre juste après. Dernière doublette de l'émission de ce soir, Frenelis, tout d'abord, ça nous vient du Danemark. C'est du death metal, bien souvent dans la même phrase, quand on met Danemark et death metal, on se dit Undergang n'est jamais très loin, et pour le coup, c'est complètement ça. Puisque, guitariste-chanteur de Undergang tient également ce poste-là dans Frenelit. Frenelit, ça s'est créé à l'issue des années 2010, hein, 2013 très exactement. Ils ont sorti déjà quelques EP et un premier album en 2017. Ils reviennent avec Chimaira, leur second effort studio longue durée. C'est beaucoup moins dégoulinant et dégueulasse que ce que peut nous proposer Undergang. Là, on n'est plus sur du Evil Death. L'album est déjà disponible, on va s'écouter Kimmerian Offspring pour illustrer cette nouvelle sortie de Frenelis. Et en doublette, le Texas Brutal Death de Stebbing, Ravenous Psychotic Onslaught, le nom de leur premier EP. Stebbing, pour rappel, on retrouve deux femmes dans le line-up, dont une derrière le micro. Stebbing, on va s'écouter tout de suite le morceau Splatter Pit, enfin juste après Frenelit, et c'est sorti au passage chez Comatose Music, c'est parti. We'll be right back. Voilà, 22h33, la pendule de Radio Béton. On va déborder d'une paire de minutes, déjà le cas. Et on va vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, qu'elles vous soient agréables et chaleureuses, de peu importe la manière dont vous célébrez ce moment-là, que vous soyez seul, par choix ou par contrainte, que vous soyez plusieurs, par choix ou par contrainte également. Voilà, excellente fin d'année à toutes et à tous. On se retrouve le dimanche 2 janvier pour une reprise de l'émission pour la deuxième partie de la saison 2021-2022. Et voilà, et on se coupe, on se quitte, pardon, avec un morceau traditionnel, un titre de Rob Halford, extrait de son excellent album Winter Song. Voilà, Ah merde, il est temps d'arrêter. On se quitte avec le titre Holy Night. À très bientôt, ciao ciao et merci d'avoir suivi. Appeared and the spirit felt its worth.